troisième temps de notre série sur la présence et l'absence du judaïsme dans notre récit national. Aujourd'hui, sources et archéologie du judaïsme en France. À l'occasion du grand colloque organisé la semaine prochaine, les 17 et le 18, donc au Musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris, nous nous interrogeons toutes ces semaines sur certains trous de mémoire et trous d'histoire dans notre récit national quant à la présence d'une communauté ou de plusieurs communautés juives sur le territoire français, ce qui est devenu le territoire français. Et une présence qui remonte évidemment à bien plus que ce que l'on croit habituellement, à plus de 2000 ans. Et généralement, quand on en parle, on ne parle que de ce qui s'est passé à partir de la période de l'émancipation, lors de la Révolution française au 19e ou au 20e siècle. Nous allons ce matin donc remonter beaucoup plus haut avec Anaïs Quin qui a préparé avec nous cette émission et qui la co-animera. Danielle Yankou-Agou sera également avec nous. Elle est professeure associée à l'ULB à Bruxelles. Elle est chercheuse au CNRS. Elle est ancienne directrice de la Galia Judaica. Elle est auteure d'un livre très excitant, très intéressant qui vient de paraître l'année dernière aux éditions du CERS, qui est le fruit d'un très long travail. Régine Catherine et Bonnet de Latte, elle nous en parlera. Max Polonowski est également avec nous. Les conservateurs général honoraire du patrimoine. Vous avez été longtemps chargé, Max Polonowski, de la protection du patrimoine juif au ministère de la Culture. Et Philippe Blanchard est avec nous, il est archéologue, ingénieur de recherche à l'INRAP, l'Institut National de Recherche en Archéologie Préventive. Il est spécialisé dans l'archéologie funéraire, en particulier dans la question des cimetières juifs en France. Bonjour à vous Anaïs Quin. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Bonjour à vous Max Polonowski. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour Philippe Blanchard. Bonjour. Et bonjour à vous Daniel Yankou-Agou. Vous êtes en duplex avec nous depuis les studios de Radio France qui vous accueille à Montpellier où vous avez longtemps et vous continuez à travailler. Vous y avez dirigé ce qu'on appelle la Galia Judaica. Il faut peut-être nous expliquer, alors que ce n'est plus vous qui êtes en charge de cette Galia Judaica mais Claire Sassen, ce qu'est cette très grande entreprise de recherche justement. Qu'est la Galia Judaica et en quoi cette grande entreprise de recherche nous intéresse pour ce qui est de notre sujet du jour, à savoir les sources et l'archéologie du judaïsme en France, Daniel Yankou. Oui, bonjour Emmanuel Laurentin. La Galia Judaica, au départ, fut cet ouvrage monumental devenu classique, écrit par Henri Gross, qui consistait en un dictionnaire géographique de la France d'après les sources rabbiniques et ce fut publié en 1897 à Paris. Par la suite, il a été réédité en 1969 et tout récemment en 2011 dans la collection de la Revue des études juives Paris-Louvain. Et j'ai eu l'honneur, avec le regretté Gérard Naon, de le préfacer. C'était la Galia Judaica, mais par la suite, elle s'est élargie. Ce fut le vœu pieux de Bernard Blumenkranz, chercheur venu d'ailleurs, aussi venu de Vienne, qui a ambitionné de confectionner une nouvelle Galia Judaica. Et ce fut le titre de son labo de recherche au CNRS fondée dès 1972, première équipe CNRS travaillant sur le judaïsme médiéval. Et cette nouvelle Galia Judaica, il ambitionnait de la refonder, d'en faire une amplissima Galia Judaica, en ayant recours aux autres sources, les sources vernaculaires, les sources latines, élargir le champ documentaire, le spectre. Et évidemment, c'était une ambition démesuré parce que manque de bras, manque de travailleurs et ses successeurs, Gérard Naon lui a succédé une décennie, puis Gilbert Naon et j'ai eu en effet la chance de la diriger de 2003 à 2014 et mes prédécesseurs ont avisé de réaliser des dictionnaires régionaux et non pas à l'échelle immense du territoire actuel français et ces dictionnaires régionaux, eh bien on s'y attelle et il y en a deux qui ont déjà paru sur la Provence médiévale et sur l'Alsace-Lorraine. Anaïs Quin. Oui, Max Polonowski, l'histoire de cette Galia Judaica, c'est une histoire institutionnelle. Et puis il y a une autre histoire, un événement qui se produit 4 ans après la fondation de la Galia Judaica, c'est une grande découverte à Rouen qui va aussi révéler à quel point cette question de l'archéologie du judaïsme en France est conflictuelle. C'est l'histoire de la découverte de la maison sublime, donc sous le palais de justice de Rouen. Oui, c'est en effet un moment clé de l'histoire de la redécouverte d'un judaïsme médiéval en France. 1976 à Rouen, lors de travaux de terrassement de la cour du palais de justice de Rouen. On voulait construire un parking. Non, c'était pas non. tout à fait un parking, c'était juste refaire le dallage de la cour. Et donc des engins sont entrés dans la cour et se sont effondrés, tombant à l'intérieur de ce qui est aujourd'hui le monument juif de Rouen. Donc ça a amené les autorités d'État chargées de l'archéologie d'entamer une campagne de fouilles. Et de fil en aiguille, de découverte en découverte, on a donc trouvé d'abord ce monument, qu'à l'intérieur de la cour du palais de justice, il y avait d'autres monuments. Mais on était dans le quartier, on le savait, on était dans le quartier juif de Rouen. Voilà, il y a la rue aux Juifs qui est la rue où se trouve le palais de justice de Rouen. Un palais de justice du XVIe siècle. Et donc, on découvrait là la réalité d'une vie juive à Rouen. Ces monuments. Par ces monuments, absolument. Et surtout, le problème était la pression du palais de justice, des autorités judiciaires, pour récupérer la cour du palais. Et fonctionner normalement. Exactement. Et donc, ça a entraîné des fouilles qui n'ont pas été hâtives. En plus, il n'y avait pas de vrai service d'archéologie à l'époque. Tout ça a été un peu bâclé. Et à cela s'est greffé en plus une guerre extraordinaire entre spécialistes sur l'attribution, sur l'identification du monument. Est-ce que c'est une école? Est-ce que c'est une synagogue? On ne savait pas très bien. Enfin, il y a deux écoles. Ou est-ce que c'est autre chose? Ou autre chose, une maison, une habitation civile. Mmh. Enfin, donc, tout ça a donné un climat, par la suite, extrêmement tendu. Anaïs Quien. On arrive malgré tout à connaître, à dater ce site, ces restes. Alors, de bâtiments, je crois. Ces restes, pour des raisons de comparaison stylistique en matière de sculpture, a été clairement identifié par Mélis Bellet comme étant du XIe siècle, la fin du XIe siècle ou début du XIIe. Ça, je pense qu'il y a un consensus sur la date de ce monument. Et ce qui est peut-être étonnant, c'est que du point de vue du décor, on sait que ce bâtiment servait d'une manière ou d'une autre au culte. Du point de vue du décor, il est très proche d'autres églises de la même période qui se trouvent dans le voisinage. C'est-à-dire que d'un point de vue architectural, on n'est pas dans une singularité extrême. Oui, c'est le problème justement qui est soulevé par cette redécouverte du judaïsme médiéval et par l'archéologie. C'est qu'on se fait une idée de ce que doit être un judaïsme médiéval, c'est-à-dire donc quelque chose qui ne serait pas dans l'air du temps. Et on se rend compte qu'en réalité, les sculpteurs sont les mêmes que dans les monastères voisins, que la vie des juifs est exactement la même que la vie des non-juifs. Et c'est aussi cet élément essentiel de l'archéologie, c'est de remettre les pendules à l'heure. Oui, Philippe Blanchard, vous êtes archéologue, je l'ai dit en ouverture de cette émission. Vous fouillez beaucoup, en particulier, tout ce qui est patrimoine funéraire, et en particulier donc des cimetières, et des cimetières juifs qui sont difficiles à déterminer. D'abord, la question du cimetière juif, à l'époque médiévale en France, mais en Europe en général, c'est qu'il se trouve dans le cœur de ville, que ce cœur de ville est le plus difficile à fouiller, que les parcelles sont extrêmement difficiles à trouver lorsqu'on a besoin de faire des fouilles. Que parfois, certains de ces cimetières sont en dehors des centres anciens, des centres médiévaux. Ils ont été gagnés par la ville depuis, mais ils sont installés à l'extérieur des remparts. Et qu'il est difficile même de déterminer s'il s'agit de sépultures juives ou de sépultures d'autres morts de la même époque, en l'occurrence Philippe Blanchard. Oui, alors la difficulté, effectivement, c'est que la différence entre une sépulture juive et une sépulture chrétienne est extrêmement difficile. Alors, à force de travailler dessus, on commence à avoir des indices. Il y a 20 ans, j'avais un prof de fac, Henri Galinier, qui avait écrit un article justement par rapport au cimetière juif de York qui venait d'être fouillé, qui disait qu'il n'y avait pas de différence. Bon, en ayant retravaillé le dossier, maintenant, on s'aperçoit que, à une petite échelle, il est quasiment impossible de définir que ça c'est une tombe juive et ça c'est une tombe chrétienne. Mais par contre, à l'échelle d'un cimetière, il y a des choses intéressantes, notamment les tombes ne se recoupent jamais. Oui. Et ça c'est... C'est-à-dire que on ne recouvre pas d'anciennes tombes avec de nouvelles. Exactement. Donc, pour optimiser l'espace. Voilà. Alors ça peut arriver qu'on est tangent, on va recouper un peu le comblement de la fosse, mais on ne touche jamais aux ossements, c'est extrêmement rare. À York, sur 482 tombes fouillées, il y a 7 squelettes qui ont été perturbés. C'est York, c'est le plus grand chantier de fouilles jamais réalisé sur un cimetière juif, et chantier de fouilles relativement abouti par rapport à d'autres qui ont été stoppés. Ils ont fouillé la moitié du site, qui comprenait à peu près 1000 tombes, donc ils ont fouillé 482. Donc c'est le meilleur cimetière, le mieux publié, avec les plus grandes séries qui nous permettent effectivement d'avoir un modèle. C'est en Angleterre. Et c'est en Angleterre. Et ça nous dit quelque chose, Max Polonowski, de la façon dont le chercheur aujourd'hui, mais le chercheur qui vous ont précédé, aborde cette question de la présence du judaïsme sur le territoire devenu territoire français. Parce que on les aborde, vous le disiez, pour l'architecture, avec des points de vue, des idées qui ne correspondent pas à ce que l'on trouve forcément sur le terrain. Et donc, il faut changer son logiciel, repenser à nouveau frais ce que l'on est en train de faire pour pouvoir trouver ce que l'on ne cherchait pas ou trouver ce que l'on cherchait, mais on cherchait ailleurs parfois. Et ça, c'est une véritable révolution mentale qu'il faut faire pour pouvoir justement trouver les traces de vie juive sur le territoire national, en particulier au Moyen-Âge. Alors, il est clair qu'il y a des préjugés. C'est évident. Et vous citiez le cimetière d'York. Il se trouve que les autorités rabbiniques, dans l'ensemble, sont totalement opposées à ce que l'on fouille des cimetières, pour des raisons religieuses. Aujourd'hui, vous voulez dire ? Aujourd'hui. Et lorsque le chantier d'York a commencé, les archéologues se sont tournés vers le grand rabbin d'Angleterre en lui demandant si ça ne posait pas de problème. Mmh. Et le grand rabbin s'est déplacé, a vu que les tombes étaient orientées nord-sud et que les sépultures étaient dans des cercueils cloués, ce qui ne correspond pas à la loi juive, puisque les sépultures doivent être est-ouest et sans clous. En théorie. En théorie. Donc il a dit « allez-y, pas de problème ». Et au bout de 480 tombes, il s'est rendu compte que c'était un cimetière juif. Et donc, ils ont été obligés de... Ils ont fait arrêter les fouilles parce qu'ils ont considéré que ça, c'était à l'encontre de la loi juive. C'est souvent le cas, d'ailleurs, Philippe Blanchard. Vous listez régulièrement dans vos contributions des fouilles archéologiques commencées et puis soudainement arrêtées sous la pression de certaines fractions religieuses juives qui demandent est-ce qu'on respecte ces lieux sacrés. Alors, moi, j'ai recensé à peu près 75 interventions archéologiques en Europe sur des cimetières juifs. Et il y en a eu beaucoup en Espagne. Hein. Presque la moitié des fouilles ont eu lieu en Espagne. Et dans beaucoup de cas, en fait, les fouilles ont été interrompues, voire n'ont pas démarré, sur des pressions d'extrémistes religieux. Pas forcément du pays, hein, des fois, qui viennent de l'étranger, d'Israël ou des États-Unis. Alors, une des questions que l'on se pose sur cette question des sources et de l'archéologie du judaïsme médiéval en particulier, Daniel Yankou-Agou, c'est que, évidemment, on voit un territoire unifié, celui qui a été unifié progressivement à partir de la Révolution française, une nation qui, par son administration, veut unifier les pratiques, unifier tout ce qui se passe sur le territoire français, mais évidemment, quand on s'intéresse à cette question de près, comme vous l'avez fait vous-même, vous êtes spécialiste des Juifs de Provence à l'époque médiévale, on s'aperçoit qu'il y a des situations différentes, que les, par exemple, périodes d'expulsion des Juifs pendant le Moyen-Âge ne sont pas les mêmes pour le nord de la France et pour le sud de la France, que certaines régions ont autorisé une présence masquée, pourrait-on dire, de Juifs, alors qu'ils étaient théoriquement interdits du territoire, qu'il y a eu des endroits de conversion, d'autres endroits d'exil, et que tout cela nécessite un véritable travail commun, un grand travail en commun des chercheurs pour pouvoir rendre la carte la plus lisible possible pour ceux qui s'y intéresseraient, Daniel Yankou. Oui, vous avez pleinement raison. Il y a eu deux phases d'expulsion. D'abord, les expulsions qui ont touché l'Europe du Nord. Ça a commencé en Angleterre, 1290. Ce fut suivi de l'arrestation des Juifs français, suivi d'une spoliation édictée par Philippe le Bel en 1306. Ce fut, si vous voulez, la première spoliation des biens juifs sur le territoire français. Et puis, l'expulsion définitive du Royaume de France se fera en 1394, sous Charles VI dit le Fou. Ceci pour le nord français et anglais, si je puis dire. Et dans le sud, effectivement, cela s'est passé autrement. Dans l'îlot provençal, dans le comté de Provence indépendant du Royaume de France, eh bien, il y a eu un sursis d'un siècle, le 15e siècle, qui a offert des archives magnifiques notariées et textuelles, en quelque sorte. Oui. Et puis, il y aura les évictions qui toucheront la péninsule ibérique avec 1492, c'est archi connu, l'Espagne, suivie de 1497, le Portugal avec conversion imposée généralisée, l'expulsion des anciens comtés du Roussillon-Cerdagne dans le sillage de la péninsule ibérique, de Sicile, la Sardaigne. Donc, il y a eu effectivement deux moments d'expulsion, d'éradication des Juifs de l'Europe médiévale, cette Europe qui se vide de Juifs à un moment donné, à la fin du XVe et au début du XVIe, et qui se remplit, selon la terminologie de Fernand Braudel, qu'on peut discuter, de Maran, a-t-il dit, au cœur douteux, voilà. La formule est jaune. Voilà, donc Anaïs Quin, sur cette question. Oui, on a bien compris que les ruptures sont nombreuses dans l'histoire de cette présence juive sur ces territoires du Royaume de France ou du Royaume de France à venir. Quand il y a expulsion, il y a évidemment des conversions plus ou moins sincères pour pouvoir y rester, mais il y a également des comportements face au rejet de rejet soi-même et donc de réinstallation. Vous avez travaillé énormément sur les archives notariales, Daniel Yancou, mais comment utilisez-vous ces données archéologiques qui peut-être peuvent vous indiquer certaines réinstallations et vous donner des indices sur des circulations, des parcours de vie, de groupes, de familles ou d'individus juifs? Oui, il est vrai que mon corpus documentaire a été essentiellement notarié, des archives latines notariées. Ce fut aussi, entre guillemets, ma nourriture. Mais il est clair que les engagements archéologiques aident à la chose et des fois réfutent des acquis. Je veux parler par exemple de la synagogue médiévale de Draguignan, longtemps considérée comme telle dans la rue des Juifs, comportant trois arcs romans et durant tout un siècle, l'abbé Boyer de Draguignan, qui fut l'érudit local, Bernard Bubenkrantz, Odo de Bainville considérait ces arcs romans comme appartenant à la synagogue médiévale. Et puis, la chose a été réfutée et il est admis maintenant que ce fut une maison bourgeoise. Pour la synagogue de Trèves, ce fut similaire. Donc, le travail est effectué. Maintenant, si j'évoque Montpellier où je réside, on a en revanche un superbe mikvé du XIIe siècle. Et là, c'est tangible, irréfutable, il est là. Et par conséquent, le fameux immeuble qu'il abrite ne peut pas être décrit comme une maison bourgeoise. Un mikvé, c'est un bain rituel en particulier qui signe effectivement un quartier dans lequel se trouve une communauté juive. Vous pouvez nous présenter brièvement le personnage dont nous allons passer un morceau de musique qui s'appelle Isaac Gorny. Qui est-il, Daniel Yancou? Je crois que vous l'avez trouvé dans votre documentation. Vous m'entendez? Oui, tout à fait. Isaac Gorny fut ce troubadour provençal, ce poète vagabond, natif du Luc, près de Draguignan, qui visitait les communautés juives contemporaines. Cela se passait fin 13e. Et il écrivait donc ses poésies selon, tantôt acerbe, tantôt reconnaissante, selon l'accueil qui lui était réservé dans ses communautés. Alors, par exemple, à Draguignan et Aix-en-Provence, à Draguignan, précisément, il parle de repères de dragons. véritablement, parce que les élites, il était mal accueilli. Mais il connaissait les légendes locales, puisque c'est l'étymologie de Draguignan. Voilà. Et puis à Aix, il a été mal reçu. En revanche, dans la ville d'Apt et Arles, je crois, ouais, l'accueil fut plaisant. Il avait une réputation, une fâcheuse réputation de détrousseur de jupons. Il n'était pas sérieux, un poète ambulant, c'était pas. Mais grâce à lui, on a des traces littéraires de cette présence juive provençale, et c'est précieux. Lémianus, une chanson en hébreu composée par Isaac Gorny, donc du XIIIe siècle, sur l'air de Jans Uns Onspri, la complainte du prisonnier, composée par Richard Cœur de Lion. On écoute. Vous écoutez France Culture, La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin. Lémianus, une chanson en hébreu composée par Isaac Gorny au XIIIe siècle, un troubadour juif de Provence, interprété ici par Yalda Rebling. Nous continuons notre débat sur les sources et l'archéologie du judaïsme, en particulier médiéval, en France. Anaïs Quien. Oui, Philippe Blanchard, je crois qu'on l'a dit entre les lignes depuis le début de cette émission, les difficultés aussi de ces fouilles archéologiques sur les traces du judaïsme en France sont aussi liées à une forte méconnaissance de cette histoire juive française. Vous coltinez très souvent à croiser les sources des archives écrites, les sources iconographiques et les données archéologiques. Et bien souvent, vous rencontrez la très grande complexité des pratiques régionales et puis des pratiques tout simplement de la vie réelle face à la théorie et à un idéal décrit de manière écrite et de manière iconographique. Oui, voilà. Alors, c'est vrai que pendant longtemps, on a abordé les cimetières que par les sources textuelles ou iconographiques. Donc depuis une vingtaine d'années, en fait, partout en Europe, on commence à avoir des données archéologiques qui nous permettent de confronter justement ces données. Est-ce que ce qui est mentionné dans les textes ou dans les images, dans les gravures médiévales, sont le reflet de la réalité, puisque l'image, on avait peut-être tendance à embellir les choses. Et donc, il y a quand même pas mal de choses qui correspondent. Il y a aussi des différences. C'est ça l'intérêt de l'archéologie. C'est qu'on arrive à montrer que certaines choses ne sont pas tout à fait comme les textes l'expliquent. Notamment, il y a une pratique funéraire qui consiste à déposer un coussin de terre sous le crâne des défunts. Un coussin empli de terre. Oui, alors un coussin qui est rempli de terre. Et ça a été mis en évidence sur deux sites seulement, hein, à Bâle en Suisse et puis à Tolède en Espagne. Et à Bâle, ils ont fait analyser le sédiment qui était dans ces coussins, enfin sous le crâne des défunts. Et donc la terre d'Israël, en fait, est apparue comme une terre qui avait été prélevée à simplement quelques kilomètres de Bâle. Donc c'est plus probablement un dépôt de terre vierge, un dépôt symbolique, mais pas de la terre qu'on a ramenée d'Israël. Et il y a plein de choses, en fait, comme ça. Il y a une spécificité française que vous soulignez, Philippe Blanchard, c'est que c'est le lieu de la frontière entre les cultures séfarades des Juifs du Sud et des Juifs de l'Est, les Ashkénazes. Vraiment, la France se trouve sur cette frontière culturelle. Et pour autant, on a beaucoup de mal en France à avoir suffisamment de données pour pouvoir véritablement étudier ces différences culturelles, ces dialogues, y compris avec les chrétiens qui peuplent ces territoires du Royaume de France où ces marches. Alors là, voilà, la difficulté, c'est que la France est un terrain d'étude finalement assez intéressant, puisqu'au nord, grosso modo, voilà, moi, si je résume, la moitié nord est plutôt sous l'influence ashkénaze, alors que le sud est plutôt séfarade. Alors on a fouillé énormément de cimetières chrétiens, donc on a beaucoup de données, mais on a très peu de données sur les cimetières juifs. Moi, j'ai eu la chance d'en fouiller un à deux reprises à Châteauroux, et c'est celui qui a livré 35 tombes. C'est la plus grosse collection de référence jusqu'à présent. 35, alors que pour York, le cimetière dont on parlait tout à l'heure, voilà, on en est à près de 500, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et les deux, il y a deux autres petites interventions, c'est quelques tombes, quelques unités simplement. Et donc, on a du mal à comparer les données. Et ça, c'est lié justement à des déplacements fréquents des groupes juifs dus aux aléas politiques. Il y a de ça, mais il y a aussi une frilosité souvent des autorités administratives locales ou du pouvoir politique qui, dès qu'on parle cimetière juif, ne veut pas d'ennui et généralement abandonne le projet, le transforme. C'est-à-dire que le traitement du dossier serait trop compliqué, donc on préfère repousser à plus tard cette question. On trouve tous les moyens possibles pour éviter la fouille. Oui. Et puis, il y a d'autres questions qui sont des questions presque historiographiques. Max Polonowski, autour de ces questions, par exemple, des cimetières juifs, c'est que on sait quand naissent les cimetières médiévaux, c'est-à-dire aux alentours du XIe siècle. Généralement, c'est là où on voit naître les cimetières dans leur forme actuelle, groupés parfois autour des églises. Et on ne sait pas si le mouvement est le même pour les cimetières des communautés juives au Moyen-Âge, s'il y a d'autres types d'ensevelissement, s'ils sont ensevelis dans des fosses ou dans d'autres manières. Tout cela nous est un peu inconnu, y compris par les textes. Donc on a beaucoup de mal, quand on avance sur des questions comme celle-ci, à travailler et à avoir un regard précis sur ce qui s'est passé. Oui, je crois que c'est tout l'enjeu de l'archéologie aujourd'hui. C'est vraiment de découvrir les sources, l'origine du judaïsme européen. C'est une question qui est fondamentale. On sait qu'à partir du VIe siècle, on arrive dans une période noire de l'histoire, hein, jusqu'au VIIIe siècle, IXe siècle. Noire dans le sens où on n'a pas de documentation. On n'a pas de documentation, oui, ça, dans l'ensemble. Mais pour le judaïsme, c'est encore pire. Parce que cette présence, il faut quand même le préciser à nos auditeurs, je l'ai dit en ouverture, mais cette présence, on a des traces qui remontent à plus de deux millénaires de cette présence juive sur ce qui est devenu le territoire français, et en particulier dans ces régions qui étaient romanisées, du sud de la France, du sud de la Gaule, qui étaient la Narbonnaise, et dans ces régions-là. Donc on sait qu'il y a une présence ancienne installée ici, on a un trou, vous dites, entre 6e et 8e, et puis on voit renaître des communautés au 9e siècle. Alors, je crois que c'est ça, c'est le fait qu'il y ait des histoires parallèles. L'histoire juive est une histoire parallèle de la grande histoire. L'histoire juive est une histoire régionale française aussi. Oui, mais sans jamais se rencontrer. Oui. Et c'est aujourd'hui qu'on essaye de faire le lien. Vous dites que les nations européennes, en fait, ne s'approprient pas la composante juive de leur histoire et que c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il faut le réintégrer, comme ça sera dit d'ailleurs au colloque la semaine prochaine, je pense, au musée d'art et d'histoire du judaïsme, dans sa longue durée et pas simplement sur les périodes dont on parle généralement. On en parlera d'ailleurs demain, de l'affaire Dreyfus, de l'émancipation des juifs de France ou évidemment de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah, qu'il faut redonner une grande antériorité à cette présence. Je crois qu'il y a un exemple récent qui montre l'aspect politique de la chose. C'est les fouilles de Cologne. Cologne est une ville d'empire, une capitale impériale. Et des fouilles dans les années 50 ont permis de découvrir un bain rituel, les restes d'une synagogue. De nouvelles fouilles ont eu lieu il y a quelques années par un archéologue qui s'appelle Sven Schütte et qui a découvert que sous la synagogue médiévale, il y en avait une qui était manifestement du IVe siècle. Mmh. Et c'est quelque chose qui n'a pas plu du tout, localement. Et ce préjugé que les Juifs sont un peuple errant, qu'il n'y a pas une antériorité, une présence continue à côté des communautés chrétiennes. Et donc, c'est ce qui a fait, en grande partie, le fait que Sven Schütte a été remercié et a dû quitter son poste. Oui, et on peut dire aussi, Daniel Yankou-Agou, qu'effectivement, tout cela est rendu encore plus complexe par l'interpénétration des pratiques, le fait que les communautés juives n'étaient pas évidemment aussi séparées qu'elles le seront plus tard à l'époque moderne, avec des ghettos, des murs qui les entourent, etc. Qu'il y a des églises qui sont quasiment collées aux synagogues, qu'il y a donc dans beaucoup d'espaces géographiques européens du Moyen-Âge, eh bien, interpénétration, qu'il y a des médecins juifs, vous l'expliquez bien en Provence, qui sont les médecins de l'archevêque, qui sont les médecins du roi, qui sont les médecins de la cour, par exemple, et que donc, il n'y a pas la séparation qu'on a imaginé plus tard pour cette histoire séparée de communautés qui seraient totalement exclues de la vie quotidienne des chrétiens sur le territoire national. Oui, tout à fait. Les communautés chrétiennes vivent ensemble. Et par exemple, pour le comté de Provence, avant 1348, avant la peste noire, qui sera le premier moment fatidique, les quartiers juifs ne sont pas d'ailleurs des quartiers fermés, ce que l'on appellera plus tard au XVIe siècle le ghetto. Ce sont des quartiers plus ou moins ouverts. Et pour prendre l'exemple de celui d'Aix-en-Provence ou même de celui de Montpellier, ce sont des quartiers à la limite judéo-chrétiens. Celui d'Aix est en plein cœur de ville, les quatre coins de la juiverie. Et par exemple, l'office notarial des Borilly, où les Juifs vont enregistrer de leurs transactions quotidiennes, eh bien, se trouve en plein quartier juif. Cela montre la porosité entre les deux sociétés et il y a interménétration tout à fait. Quant aux médecins que vous évoquez, en dépit du concile de Latran de 1215 qui interdisait le recours aux médecins juifs, eh bien, en Provence médiévale, le médecin juif, qui certes n'a pas le même cursus que son homologue chrétien, il n'a pas accès à l'université, mais ses pratiques, sa médecine est très, leur médecine est très prisée. En effet, le roi René a pour praticien maître Abraham Salomon de Saint-Maximin, le père même de Régine et dans la mouvance étroite du roi René. L'archevêque Robert Damiani à Aix a son médecin juif. Les médecins juifs aixois visitent le couvent des Dominicaines et on pourrait donner nombre d'exemples pour Avignon. Donc, il y avait la loi et puis il y avait la vie quotidienne. Et pour la Provence médiévale, en tout cas, il y a eu des rapports de bon voisinage, tout à fait. Anaïs Kia. Oui, Philippe Blanchard, vous travaillez sur les cimetières qui, la plupart du temps, étaient installés en dehors des villes, en dehors de l'enceinte des villes. Cependant, il y a quand même quelques éléments dans vos données archéologiques, dans les données archéologiques qui sont à votre disposition, qui permettent peut-être de raconter une relation à la ville, notamment la question peut-être du cercueil. C'est-à-dire qu'on note un usage du cercueil très précoce par les groupes juifs par rapport aux chrétiens qui, je crois, commencent à l'utiliser deux siècles plus tard, en moyenne, évidemment, et qui peut-être pourrait raconter aussi ces circulations entre la ville et les espaces sacrés de où reposent les défunts. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que on a identifié, alors c'est le travail de Gérard Naon, Bernard Blumenkranz dans les années 80, ils ont identifié à peu près 116 cimetières juifs selon les sources textuelles. Actuellement, plus aucun n'est conservé. Mais sur ces 116 cimetières, ça ne veut pas dire qu'il y avait 116 communautés, il y en avait beaucoup plus. En fait, un cimetière était partagé par de nombreuses communautés. Et ça, c'est un phénomène récurrent partout en Europe. Et on ne sait pas, par exemple, si dans des cimetières chrétiens, il peut y avoir ce qui existe dans les cimetières de la République, c'est-à-dire des carrés juifs, par exemple, ça n'existe pas. Alors, pour la période médiévale, je suis à peu près sûr que ça n'existe pas. Les juifs avaient leur cimetière à part, en dehors de la ville, toujours, quasiment toujours à 95%, j'ai très peu d'exceptions. Et en altitude, quand c'était possible ? Quand c'était possible, sur un lieu agréable et plaisant, donc souvent une colline, une butte, un promontoire, un versant, quelque chose un peu élevé. Et voilà, donc ça c'est une spécificité, et donc ils partagent ce cimetière, et donc c'est pour ça qu'on sait que par exemple à York, le cimetière juif de York, il reçoit aussi les défunts de la ville de Lincoln qui est située pourtant à une centaine de kilomètres. Et quel est le meilleur moyen de transporter un mort à l'époque, c'est 11-12e siècle, même si le cercueil n'est pas encore apparu et généralisé, c'est le cercueil. Et c'est probablement pour ça que dans les cimetières juifs, tout au moins, enfin dans la plupart des cimetières juifs en Europe, on retrouve la prédominance du cercueil de façon très précoce par rapport aux chrétiens. Oui, Max Polonowski. Oui, ceci est vrai, en effet, pour la période médiévale, je dirais, du vrai Moyen-Âge. Mais pour le haut Moyen-Âge, il est beaucoup plus difficile, puisqu'on n'a pas de source. Et surtout, le Talmud, les règles du judaïsme... ne sont importées en Europe occidentale qu'en 9e siècle, c'est ça ? 9e siècle. Donc, avant, qu'est-ce qui se passe ? Et voilà. Et ça, on n'a pas pour l'instant de réponse. Avant, tout le monde invente de la même manière et pas forcément en fonction justement de En tout cas, il doit y avoir beaucoup de traditions, mais on ne sait pas exactement lesquelles. Ouais, Philippe Blanchard, brièvement. Très probablement, on pense qu'il y avait une certaine liberté, donc on inhumait dans les champs, à la périphérie des villes, dans les terrains vagues. Selon des traditions locales. Traditions locales, comme les païens, même voire certains chrétiens le faisaient encore comme ça. Les règles de l'Église même chrétienne n'étaient pas définies, donc il y avait une certaine liberté dans la façon et le lieu de l'inhumation. שלפו צרים חרבם ליבם, חפו דברים לוחן בקרבם, שדדו ערים אביון בריבם, כי רסם תפקנה. כוננו יתרים לחצות מריבם, וסטפו חברים אפר בורבם, ומפז יקרים דקרו בחרבם, חתצם לליבם תפלחנה. ומעבות Shalfut Zarim, un poème liturgique hébraïque composé par le trouvère Monio de Paris au XIIIe siècle et interprété ici par l'ensemble Alla Francesca. Nous sommes dans ce débat sur les sources et sur l'archéologie du judaïsme et en particulier médiévale en France avec nos invités Philippe Blanchard, Max Polonowski et avec vous Daniel Yankou-Agou. Vous êtes spécialiste des textes. Il n'y a pas que les monuments, il n'y a pas que les cimetières, il n'y a pas que les lieux que l'on fouille qui permettent de connaître cette vie juive, en particulier dans la Provence, dont vous êtes la spécialiste. En tant qu'élève depuis longtemps, vous avez été longtemps l'élève de Georges Duby. En l'occurrence, vous trouvez dans ces sources notariées énormément de données qui vous permettent en tant qu'historienne de reconstituer à la fois des itinéraires personnels, des itinéraires de mariage... mariage intercommunautaire ou à partir du 14e, 15e siècle, des mariages qui conduisent certains ou certaines à quitter le judaïsme pour pouvoir devenir, par la conversion, des chrétiens ou des chrétiennes en l'occurrence. Oui, en effet, les juifs vont chez le notaire, chez le scribe chrétien, enregistrer tous les actes de leur quotidienneté et c'est une mine providentielle pour les observer. Quand ils achètent une mule, quand ils vendent une étable, quand ils échangent une vigne, ils vont chez le notaire chrétien enregistrer l'acte en question. Mais surtout pour des éléments aussi intimes que leur mariage, leur testament ou leurs inventaires après décès, ils ont recours au scribe chrétien. Et cela permet d'observer leur vie sociale, leur vie la vie privée de ces gens. Alors vous faites référence en effet au mariage de Régine, alors, Régine au mariage Catherine au pluriel de Régine. Voilà, ouais. Le mariage pluriel, parce qu'elle s'est mariée 4 fois, cinq c'est ça ? 5 fois maintenant. 4 ou 5 fois ? On en est à 5, je crois. Mais vous savez tout, je vois. je dis déjà. Et c'est aux éditions du Cerf, votre livre. Oui, alors aux éditions du Cerf, la dernière parution en 2017, elle en était en effet à 4 maris. Le premier choisi par son père, Bonnet de Latte, de lointaine origine languedocienne précisément, parce que Latte c'est un petit village près de Montpellier. Les Lattes ont dû quitter en 1306 ou en 1394 le Languedoc français inhospitalier et venir en Provence. Donc son père lui destine un mari aixois, Bonnet de Latte. Il est de Draguignan, il est un médecin riche. Et ce mariage est enregistré à Aix-en-Provence. Et c'est un mariage exceptionnel parce que la dot est exceptionnelle. 2000 florins, de quoi acheter à l'époque presque 10 maisons. La moyenne totale tournait autour de 250 à 280 florins. Donc quand j'ai trouvé ce document en 1984, j'étais déjà très heureuse de, d'avoir le plus beau contrat de mariage du corpus archivistique. Et puis dès la cancellation de cet acte, le notaire indique que la dite Régine, née Abraham, épouse de Lath, eh bien, ne s'appelle plus ainsi. Elle est devenue une néophyta, une néophyte, une nouvelle chrétienne, et elle vient d'épouser aussi promptement le secrétaire du roi René, Gilles et Gilibert, écuyer des cuisines royales, personnage assez trouble puisqu'on possède une lettre du roi René qui accuse ce serviteur de méfaits et d'excès à l'encontre de, d'une fillette juive de Pertuis qu'il aurait convertie de force. Le document date de 1474 et même le document fait référence à une conversion qu'il aurait perpétrée à l'encontre d'une fille de ce médecin juif de Draguignan, Massip Abraham. Alors j'ai longtemps... je me suis longtemps demandé si c'était Régine ou une de ses sœurs, parce que le dossier des sœurs est aussi assez rempli. Et donc, j'avais, dès 1984, tous les ingrédients d'une affaire passionnante à suivre, que j'ai donc suivie sur un demi-siècle. Voilà. Une saga. Et vous avez fait votre travail de recherche très patiemment autour de cette personne qui, devenue chrétienne, va se marier. Alors, moi, je croyais que c'était trois fois en vous ayant lu, mais c'est quatre fois maintenant, assez, en plus de Bonnet de Lath. Le premier mari juif, Gilles et Gilibert ensuite, cet homme de cour. Ensuite, un juriste, Étienne Jean, dont elle se sépare 8 mois après leurs épousailles, parce qu'entre eux ne règne que lire la mésentente et la zizanie. On a la séparation de corps et des biens enregistrée chez notaire. Et à terme, Simon Nas, originaire du diocèse de Liège, Mercier, bourgeois de bonne envergure, avec lequel, en fait, elle avait entretenu une liaison libre entre Gilet et Étienne, et duquel seraient nés 2 enfants reconnus très tard, au soir de leur vie, en 1524. Bon, donc vous avez là tous les aspects des aventures matrimoniales de Régine. Et il est vrai que très récemment, l'été dernier, grâce à la générosité d'un chercheur que je ne connaissais pas et que je peux citer parce que je lui suis redevable, Alain Agniel Giacomoni, eh bien, j'ai eu connaissance d'un 5e mariage, mais en fait, la première union. Ah, c'est ça. La première union. Voilà, une première union en 1460. Alors qu'elle avait 15 ans, c'est ça? Elle n'avait pas tout à fait 15 ans. Ouais. Elle n'avait pas tout à fait 15 ans. Et son mari, son père, pardon, la destine, parce que c'était des mariages arrangés, bien sûr, la destine à un lointain parent de Saint-Maximin, un Abraham aussi, pour les différencier à ceux de Draguignan, j'ai ôté le H, les Abraham et les Abraham. Et donc, on voit déjà à l'œuvre ces stratégies matrimoniales dans ces chez ces élites médicales qui privilégiaient les unions entre gens de même rang social et qui surtout préservaient les patrimoines. Et donc, ce qu'on se dit en vous lisant, Daniel Yankouagou, c'est qu'il y a, il est extrêmement dommage, comme le disait Max Wolodowski tout à l'heure, que l'on n'intègre pas toute cette histoire à la grande histoire nationale parce que, effectivement, il y a des histoires singulière, particulière. Vous nous dites dans vos travaux que vous avez connu 300 néophytes, 200 aixois et 100 provençaux qui ont justement changé de religion parfois avant les interdictions et les exils et les expulsions. Alors peut-être pour des raisons matrimoniales, peut-être pour des raisons sociales en tous les cas, et qu'il y a évidemment les ancêtres de Nostradamus, tout un tas de gens qui sont extrêmement intéressants, que vous découvrez dans les archives et qui avant vous, d'une certaine façon, avait été souvent, malheureusement, négligé par les historiens. On peut se dire qu'il y a là des histoires singulières, des histoires chatoyantes, des personnages très excitants, et c'est ce qu'on lit quand on lit votre Régine Catherine et Bonnet de Lath au Cerf, qui méritent d'être mis à la même hauteur que tout un tas d'autres personnages que l'on connaît depuis bien plus longtemps et qui sont présents eux aussi dans les archives. Oui, tout à fait. Ce sont des exemples de vie passionnants. Et grâce à Régine que j'ai traqué en quelque sorte dans les archives depuis plus de 30 ans. Et grâce à Bonnet de Latte, il a été permis, en effet, de découvrir les ancêtres, le bisaïeul maternel de Nostradamus, qui s'appelait Crégut Bonnet, qui était de Marseille. Il a été permis de découvrir le passé juif des Estiennes, qui vont devenir les Estiennes d'Orve. C'était autrefois les Gabriel Cohen à Aix-en-Provence. On découvre les trois frères qui étaient désignés comme des paupères, comme des pauvres, et leur ascension sociale par la suite sera vertigineuse. Donc, grâce à ce couple singulier, il a été permis d'observer la vie quotidienne de ces Juifs de Provence et surtout les mutations qui vont survenir, en effet, dès l'époque du roi René. Il y a eu des conversions précoces, pas énormément de conversions forcées, on les compte sur les doigts d'une seule main, et elles atteignent des personnages féminins, donc rien de comparable avec ce qui s'est passé dans la péninsule ibérique, où alors, on a des conversions forcées massives. Alors, oui, évidemment, ces parcours, et surtout notre connaissance extraordinaire de ce parcours, notamment de ce parcours de Régine Catherine, une femme dont on connaît, grâce à ses testaments successifs, avec énormément de précision pour l'époque, les aléas de sa vie. C'est un parcours extraordinaire, c'est un parcours donc saillant, mais Max Polonowski, l'idée peut-être ici de cette semaine d'émission de la Fabrique de l'Histoire, et aussi de ce colloque organisé par le Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme à partir de jeudi prochain, c'est d'intégrer l'ordinaire de l'histoire juive à l'histoire française. En fait, de l'intégrer, de considérer qu'elle est déjà là d'une certaine façon et qu'il ne faut pas hésiter, il ne faut pas avoir peur de se l'approprier aussi bien que d'autres branches de cette histoire française. Très heureusement, ce colloque permettra justement d'éveiller les curiosités pour ce sujet qui est important pour l'histoire de France. Mais il est clair que les contraintes qu'on a évoquées en début d'émission sur le fait que les lieux de fouilles urbaines sont extrêmement difficiles à trouver à cause du parcellaire, que les contraintes qu'on a évoquées aussi, les contraintes religieuses qui pèsent sur les pouvoirs publics qui n'ont pas tout à fait le courage de s'opposer à ces revendications religieuses, fait qu'il y a vraiment de grandes difficultés à développer cette archéologie. Cependant, il y a quelques exemples qui montrent qu'on arrive à découvrir cette vie quotidienne à travers les fouilles de fosses détritiques, de latrines, qui permettent déjà de connaître un peu l'alimentation de ces communautés. C'était le cas, par exemple, à Cologne, où des fouilles ont été faites de manière, comme je l'ai dit, extrêmement sérieuse. Et puis, on a des très bonnes surprises, des surprises extraordinaires. On en avait parlé ici, il y a quelque temps. La Ganizade dans Bac-la-Ville, par exemple, analysée par Claire de Compes, qui trouve, donc, dans un plafond, eh bien, des centaines et des milliers de documents anciens qui remontent, pour certains, au XIVe siècle. En l'occurrence, ça fait partie, effectivement, des découvertes que l'on peut saluer et qui sont surprenantes et qui permettent de faire avancer d'un seul coup considérablement la recherche, en l'occurrence Philippe Blanchard. Oui, voilà, quand on tombe sur une Guinisa, donc là c'est la conservation de documents, je crois que ça, à Dombac, ça remontait jusqu'au XIVe siècle. Ah, XIVe, c'est ça. Donc ici c'est des milliers de pièces documentaires qui sont des tissus, des papiers, des parchemins conservés qui nous donnent qui nous révèle un aperçu de la vie juive, mais pas forcément religieuse, bien sûr, de la vie quotidienne, parce que ordinaire. C'était ordinaire, c'était du grand ordinaire. Voilà, en fait, c'est des papiers, à partir du moment où il y a de l'hébreu ou des papiers qui sont marqués de caractère hébraïque, on les considère comme sacrés et ils ne peuvent pas être jetés. Et donc régulièrement, ils sont collectés et entreposés. Et donc la plus célèbre, c'est la Guinisa du Caire qui a livré des documents qui remontent, je crois, jusqu'au Xe siècle. Mais là, on en retrouve d'autres en France dans des caches, en fait, dans des lieux où on pouvait stocker ces pièces. Et on voit bien, effectivement, combien une émission comme la nôtre ne peut être qu'une alerte pour dire qu'il y a encore des dizaines et des dizaines de recherches à faire et à mener sur le sujet qui nous a rassemblés, Max Polonowski, Philippe Blanchard et vous, Daniel Yankou-Agou. Merci à tous les trois. Demain, nous concluons notre semaine avec vous, Anaïs Quin, en reprenant un dossier extrêmement connu, mais qu'il faut toujours relire et relire à nouveau frais, pourrait-on dire, avec des nouvelles recherches, c'est celui de l'affaire Dreyfus. Oui, un grand épisode, très souvent évoqué, très souvent cité, et puis en faisant une petite enquête comme ça autour de moi, et même dans les couloirs de France Culture, je me suis rendu compte que si elle était citée très souvent, l'affaire Dreyfus n'était pas si bien connue que cela. Et je vous avoue que c'était une vraie gageure de faire en 55 minutes l'histoire de cette affaire.